radio. Vas-y, envoie la guitare. Kino. Fais péter ta guitare, Kino. Fais-nous péter un solo. Avec ta guitare, Kino. Allez, Kino, fais péter un solo. Avec ta guitare, Kino. Allez, c'est quoi, c'est vas-y. C'est une impro, c'est quoi ça? Oh, oh, hey, yeah. No. Ouais. C'est une impro, mon petit Kino. C'est une impro. Facile pour chanter ça. Going to drop some bomb on us. waiting inside me. Life is a strong dream. Allez. La la la. C'est quoi tes accords? La la la. C'est quoi tes accords? Oh, oh. Forever young. Forever young. Some music for the sun. Manitas de la vita. Mi do sol et fais un ré. Tu verras, ça sera mieux. Are you ready, Mr. Kino? Not ready. Tu rigoles? C'est un tube, mon truc. Au Club Med, ça va faire sensation, mon gars. À l'oreille, toi. T'as pas pris d'accordeur. Je me trompe? Si je me trompe? Allez, c'est bon, t'es prêt. You're ready. On va faire cela après, si tu veux, tu rajoutes. Alors, je vais repartir sur la mesure. Bon, bah on reste en 32 là. Normalement, c'est ça passe. Thank you.